Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki. On reçoit Maxime Laramé avec sa chronique Télécharge quoi? Il y aura une capsule classique de Fidon là dans la question. Et une chronique technologique CNX. Et Assemblage Ruki, ça commence tout de suite. En plus. Bonjour et bienvenue à cette édition d'Assemblage Ruki, l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Salut Kiwan, oui, toi, très bien. Et toi? Oui, très bien. Oui, passe une belle journée. Ben oui. Je te vois rarement sur ta tuque, Kiwan. C'est assez rare. Ben, un tuque ou casquette, là. Généralement, j'ai le cheveu assez couvert. C'est ça, un béret, tout le temps. Oui, c'est ça. Non, ben, oui, j'ai le cheveu à découvert aujourd'hui. Oui, et ça te fait très bien. Ah, merci. Bon. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir, comme toujours, Maxime Lemieux-Laramé, qui va venir nous faire ses suggestions musicales dans son blog Télécharge quoi. Ça devrait être assez intéressant aujourd'hui. C'est beau petit choix. Il y a même une surprise dedans. Oui. Moi, je sais c'est quoi la surprise. Je vois que t'es pas au courant, mais il va y avoir aujourd'hui dans la chronique de Maxime, il va parler de Japandroids. Aussi de Tapes and Tapes et ben, une surprise. Tu sais pas c'est quoi, je vais la garder. Ah, vous êtes donc bien cachotier. C'est-tu pour moi la surprise? C'est parce que moi j'aime ça? Je pense que pas. Non, c'est pas spécifié aujourd'hui que c'est pour toi. Bon. Et aujourd'hui aussi dans l'émission, comme. Oui, ça va te faire plaisir, je suis sûr. Comme à tous les jeudis, on a une capsule de Vidon là-dedans, la question. Oui, tout à fait. Cette semaine, on parle entre autres du dernier être humain sur Terre et d'un cirque de fruits de mer. C'est un très, très vieux vidéo à droite question qui date de 2007, si je me rappelle. On est parti dans une série de vieux classiques dépoussiérés. Oui, parce qu'à la place d'entendre du nouveau stock, hein, on replonge dans les archives pendant qu'on peut encore, on aime ça. Oui, c'est ça. Puis étant donné que ça remonte à tellement longtemps, c'est pareil comme si c'était du nouveau, on s'en rappelle plus. Ou sinon, les nouveaux auditeurs les ont jamais entendus. Et voilà. Donc, c'est superbe. Aussi, quelques petites choses à ajouter. Normalement, jeudi, on recevrait Philippe Antaya une semaine sur deux. Il est venu hier, donc il n'y aura pas de Philippe Antaya. Et normalement, on devrait recevoir Éric Granger, qui est de la Ligue d'improvisation musicale. Le match, d'ailleurs, a lieu ce soir, deuxième match de la saison. Il ne peut pas être là aujourd'hui, mais quand même, soyez au match, pendant qu'on s'en rappelle encore de le dire. Ce soir, à la Chasse Galerie, c'est le deuxième match de la Ligue d'impro musicale. Oui, c'est les Bleus contre les Blancs, ce soir. Blue against White. C'est comme le drapeau du Québec, quoi. Pareil. Hey, on commence en musique tout de suite? Oui, Ben de Garage. Ben de Garage, extrait de leur cassette numéro 2. On va écouter la pièce Robot, tiens, pour toi. T'aimes ça, les robots? Merci, j'adore les robots. Bon, on écoute Robot de Ben de Garage à Assemblage Ruki. Sur les ondes de CFOU. Mauvais sort de ces allégations. c'est une bonne chose. Tu n'étais pas dernier. Y'a matière à réflexion, y'a matière à avoir de la peine. De réaliser que t'es un con parmi une dizaine. Y'a matière à déception, y'a matière à frustrer. D'être le second quand tu crois être le premier. J'ai entamé ma descente. Tu s'en fous du palmarès. Tu ne réponds plus à ses attentes. Je suis maintenant à la baisse. On oublie les projets. Ma position, je l'accepte. C'est fini, je m'en vais. Cry my share of tears. You Say Party, We Say Die avec la pièce There Is Love Within My Heart. C'est ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Mathieu et Kiwan. Très bien dit ça. Plus tard dans l'émission, on va recevoir Maxime Lemularamé pour son blog Télécharge Quoi. Vous savez, c'est le blog célèbre maintenant qui nous fait découvrir de la nouvelle musique qu'on n'aurait pas la chance d'entendre si c'était pas de ce merveilleux jeune homme. Hein? Oui. T'en mets beaucoup? Ben, t'en mets juste assez. En fait, c'est pas trop. C'est beaucoup, mais c'est mérité. c'est pas trop, c'est beaucoup, mais c'est mérité. Ok, ouais, je comprends ce que tu... Non, je comprends. En passant, c'est fou, un site web www.cif.ca. Allez-y si vous écoutez, si vous voulez écouter C'est fou en direct et voir la programmation variée de nos ondes, www.cif.ca. Allez-y, je vous donne le défi. Ah, donne le défi. Pareil comme Grégory Charles. Ah, identique. Le défi. Défi. C'est le moment. Le défi. Défi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de référence à Canal Famille, donc voilà, c'est fait pour aujourd'hui. C'est ça. C'était pas très long mon défi, mais je savais que ça s'étirait un peu. Ben non, mais t'es pas Grégory non plus. Non, mais sans le visuel, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Que voulez-vous? Ah, ça me manque ça, les débrouillards. Sauf la nouvelle version, c'était un petit peu moyenne. Ah, je sais pas. À Radio-Canada. Ah, pour vrai? Oh, ouais, j'ai jamais entendu ça. Quand on est débrouillard. Ah ouais. C'était pas malade. C'était sans Marcel Etouga, j'imagine. Ouais, évidemment, avec Grégory Charles et avec Chose, c'était-tu l'acteur là, de téléroman, là, le jeune, là. Pas Ian Anglin. Ian Anglin, ça se peut, ouais. Il me semble. C'est pas son vrai nom, ça. Hein? Lui ou l'autre. C'est comme un nom de vedette, ça se peut-tu? T'es sérieux c'est pas pour Yann, vrai? C'est pas le Girard ou quelque chose de même? Ben là, tu m'en poses une bonne, puis je vais aller même me rendre. Ian Anglin Girard. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un nom composé, probablement. Je crois que c'est peut-être ça, ouais. Ok. Il anime à Vrac TV maintenant, mais ça me tente d'aller voir si c'était lui qui était dans les débrouillards. Oh, Ian oui. Anglin, oui, les débrouillards, ben oui. Oh, il était clairement dans les débrouillards. Ouais. Bon, monsieur est clairement dans les débrouillards. Ben non, mais là, je pensais pas que t'en doutais. Non, mais je me demandais si c'était l'autre jeune qui est dans Ramdam. Hein? Tu sais, le grand, le chum de Marie-Lou, Wolf. Ah! Marianne. Comment il s'appelle? le grand, le joueur de tennis. Et c'est dur, hein, c'est dur. Zach. T'as peur. Zach Efron. Oui, Zach Efron dans Ramdam. Ça serait un hit. Un hit. Chum de Marianne. Ah, on dit vraiment n'importe quoi. Vraiment, et là, des recherches en direct à la radio, c'est pas malade non plus. Hein. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller dans un petit bloc musical. Je sais vraiment pas de qui tu parles, sérieusement. Pour vrai? Chum de Marianne dans Ramdam. Tu penses-tu? Ben oui, mais Ariane, elle en a eu 5 des chums dans Ramdam. Mais le plus important, les autres, c'est toutes des merdes. Non, c'est toutes des pas bons, les autres. Il y en a juste un. Moi, je prends ça à cœur, Ramdam, K1, voyons donc. T'avais ton préféré. Son beau joueur de tennis, là. Son joueur de tennis, ça t'appelle? Oui, je sais, c'est qui? C'est le gars qui jouait dans Deux Frères. Hé, hey, là, on fait des références pointues. Deux Frères, ça jouait ça. Ah oui, ça fait longtemps. Ben oui. Ouais. Ça s'appelait Zach dans Deux Frères. Zach Efron, c'est ça. Je suis sûr que c'était ça, Zach Efron. On va aller écouter un petit bloc musical français, anglophone français. En fait, il va y avoir une pièce qui est dans le palmarès anglophone. C'est le groupe Air de leur album Love 2, la pièce So Light Is Our Footfall. Et aussi, on va entendre le groupe Inner Sea avec la pièce Free. Mais on commence tout de suite avec Air et So Light Is Our Footfall. Vous êtes à Assemblage Requis qui sortent des références louches sur leur passé. Alors, je suis bord de l'avoir juste avant que c'était pas qu'on s'y parlait, je l'aurais eu, mais... Bon. Tantôt. Assemblage Requis, émission du retour en pièce détachée. Hein? C'est ce que t'as dit? Est-ce que tu l'avais dit? Je pense que j'ai dit. Je pense que c'est ça. Alone. Mais c'est le dire quand même, là, c'est toi qui as le crédit de ça. Là. De quoi tu parles? De quoi on parlait au juste? De Benoît Langlais. Ah, on parlait de Benoît Langlais. C'était juste avant la pièce. C'était okay. Pas une éternité, ça là. Celui qui faisait Zach dans Deux Frères. Non, pas Zac Efron. Il faisait Zach dans Deux Frères. Ben oui. C'est vrai. D'accord. Non, moi, je savais pas. Mais non, on parlait de Benoît Langlais parce que je le mélange tout le temps avec Ian England ou Yann Anglond. Je sais pas comment tu le dis en français, Yann Anglond. Qui jouent dans Les Débrouillards. C'est pour ça que j'ai confond tous les deux, ils sont tellement pareils. Ouais, comme Zac Efron. Je me demandais justement pourquoi on parlait de Benoît Langlais, ça n'avait plus rapport du tout. Les conversations divaguent tellement avec nous qu'on perd le fil à un moment donné. De toute façon, est-ce qu'on a besoin d'une raison pour parler de Benoît Langlais? Ben non, parce qu'il y a un beau petit pinch dans ses images sur le Google Images. Là. Ouais, ben c'est ça. Beau petit pinch. C'est sûr qu'à l'époque où il était connu puis il jouait à la télévision, il n'y avait pas de poils encore. Donc on le reconnaît plus maintenant quand on voit ses photos. Il joue encore quelque part, Benoît Langlais? Ah, bonne question. J'aimerais ça le recevoir en entrevue ici. Faudrait vraiment. Ouais. Faudrait se mettre là-dessus. Puis lui faire chanter le thème des débrouillards avec Grégory Charles en live en studio là, avec une petite guitare. C'est parce que lui, il était pas dans les débrouillards. Non, c'est l'autre. Tu vois, je te l'avais dit que j'étais pas mêlé avec ça. Ouais, vraiment. Tu viens de le prouver. Hey, on continue en musique avec Inner Sea et la pièce Free. C'est un autre groupe français qui me fait un peu penser à Air. Donc on écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Libre comme l'air. Free puis Air. Libre comme l'air. Free Willy, mon ami Willy. Très bon, très très bon. So free, so free, so free. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Des fois, on parle, nous. Des fois, on aime ça parler, dire des choses très, très pertinentes sur les ondes de CFOU 89.1 FM. En passant, vous écoutez Assemblage Requis, qui est l'émission du retour en pièces détachées. Kiwan est là, Mathieu est là, plus tard, Maxime le meilleur ami. Aussi, ben, on pourrait parler, pourquoi pas, du Noël du Pauvre, hein, un petit peu, parce que vous pouvez aller porter vos dons. C'est vrai que vous pouvez aller porter vos dons. Et vous pouvez les envoyer par la poste, déjà. Et le 4 décembre, il va y avoir le Téléthon en direct de 17h à 20h. Vous allez pouvoir aller porter les dons directement où est Kiwan, où est déjà le Téléthon en tant que tel? C'est à la salle Thompson. C'est à la salle Thompson le 4 décembre, donc vous pourrez aller les porter directement là-bas. Vous pouvez aussi les envoyer par la poste au casier postal 141, succursale Trois-Rivières, G9A5E3. Ça aurait dû être juste succursale Noël du Pauvre, ça aurait été plus simple à retenir. Hein? Oui, quand même, j'imagine. C'est la 51e édition du Noël du Pauvre et c'est fou et Assemblage Requis sont fiers de s'y associer. Moi, je dirais, Kiwan, qu'on devrait aller en musique avec des CD. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne idée, ça, ouais. Mathieu. Donc, on va entendre un petit peu de Tegan and Sarah avec la pièce Health. Si ça vous intéresse d'entendre ça, c'est présentement très, très haut dans le palmarès. C'est en position numéro 2. C'est l'ancien numéro 1 de la semaine dernière. Donc, voici Tegan and Sarah et Health sur Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Dans votre radio, ça. No. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. Elle est donc bonne. Moi, elle me fait vraiment de l'effet, cette pièce-là. Elle fait de l'effet? Oh, oui. C'était Orange Orange avec Montréal à moi sur les ondes de KMR ou KMR ou KM2.R. C'est qui voit les Mathieu Assemblage Rocky? Ah! Ah! KMR, come on, KMR. C'est un petit nom catchy que je lui donne. C'est affectueux. K-M-A-R. T'aimes pas ça? Non, c'est super. D'accord. T'as l'air convaincu, Kiwan. Vraiment? Hein? Ouais, ben tu sais, t'es le K de KMR, donc c'est la première lettre des chansons. Bon, merci. Avant Montréal à moi, on a entendu Hell de Tegan and Sarah, c'est le numéro 2 du palmarès anglophone cette semaine. Ça a descendu du numéro 1 de la semaine passée. Et les palmarès, faut-il le rappeler, sont maintenant dans une nouvelle formule. Donc, tout le palmarès anglophone, d'un bout à l'autre, est diffusé en même temps le mercredi après-midi de 13 à 15 heures. Et le franco, c'est le jeudi également de 13 à 15 heures. Et même que, étant donné qu'il y a un petit peu plus d'espace, si vous comptez bien, ça fait 4 heures, tout ça. Puis normalement, les palmarès duraient 3 heures. Donc, permet même de passer les palmarès alternatifs qu'on passe pas vraiment d'habitude, soit le palmarès électro, le palmarès loud, aussi le top 30 CD. Donc, tu peux te permettre d'aller piger un peu là-dedans. La première semaine s'est déroulée. Cette semaine, t'as fait de la nouvelle formule. Ça a bien été, Mathieu? Oui, ça a très bien été. Et j'étais très content de pouvoir faire jouer du top 10 électronique, du top 10 large et du top 30 des albums parce que c'est quelque chose qui joue vraiment pas très souvent. Tu sais que les animateurs, certaines émissions doivent diffuser du palmarès une fois de temps en temps, mais c'est bien rare que les gens vont dans les autres palmarès alternatifs ou les alternapalmes, comme on pourrait les palmarès natifs. Les palmarès spécialisés, alternatifs, peu importe. Plein d'adjectifs qu'on peut donner à ces palmarès-là, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. En fait, c'est le fun qu'on puisse les diffuser. Absolument, donc c'est dans cette émission-là, dans les dernières demi-heures de chaque émission. Et on rappelle que le vendredi soir, pour ceux qui syntonisent les palmarès le vendredi d'habitude, ils sont diffusés en condensé, donc seulement les top 20 franco et anglo dans une période de 3 heures, c'est entre 17h et 20h les vendredis soir. Donc ça change pas, ça va être pareil, sauf que ça va être les 20 anglo une après l'autre au lieu d'être alternés comme avant. Donc c'est exactement. C'est la seule différence. La seule. Vous ne pourrez pas appeler Mathieu non plus, il ne sera pas en onde ici, là, il ne sera pas dans le studio, donc vous ne pourrez pas l'appeler pour faire vos demandes spéciales. De chronique ou autre. Exactement. C'est bien de le rappeler. Kiwan, est-ce que toi, t'habites au centre-ville? Oui. Comme moi, quand même assez proche du centre-ville. Est-ce que t'as entendu les cornes de brume cette nuit? Ben oui. Hey, tout le monde parle de ces cornes de brume-là, et moi le premier, et tout le monde que je connais en parle. Ah oui, pour vrai? Moi, ça m'a réveillé. J'ai pas dormi de la moitié de la nuit. Après 4 heures, je pense que j'ai pas dormi. Ben moi, je dormais pas là, parce que je travaillais, c'est mais... Ça. Ouais, j'ai entendu. C'est quelque chose. Ça arrive pas souvent. Hein? C'est quoi? C'est quelques fois dans l'année, pas plus, hein, qu'on entend ça. Là, il y a eu beaucoup de brume ce matin en arrivant. Je trouvais qu'on voyait pas grand-chose. Donc, c'est peut-être normal que ça ait été utilisé, mais sont fortes les cornes de brume. Hein? Ouais, quand même. Ouais. J'étais sur Wikipédia, je me renseignais. J'ai vu quelqu'un parler de cornes de brume. Et puis là, je cherchais sur Wikipédia qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a une définition à ça. Tu voulais savoir? D'accord. C'est un instrument de signalisation maritime émettant des signaux sonores partant de brume pour signaler un obstacle ou un danger comme un récif, un banc ou une jetée, ou pour signaler leur présence. Il s'agissait autrefois d'une corne animale, remplacée depuis par des cornes en laiton, puis en plastique, puis par des cornes alimentées par une cartouche de gaz comprimé. La sirène alimentée par la vapeur des machines ou par de l'air comprimé peut aussi jouer ce rôle. La corne de brume est parfois détournée comme instrument de musique à l'instar d'autres types de cornes. Comme des cornflakes, hein? Je trouve que c'est vraiment vieux, me semble, comme technique. Là. Je suis sûr que tous les bateaux qui naviguent sur la voie maritime du Saint-Laurent là, aujourd'hui sont tous équipés avec tout le support sonore ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça, tout ce qui est radar, puis je suis sûr que ça peut être conduit par un aveugle sourd et muet, je suis sûr, sans aucun problème. Non, pour vrai, tu sais. C'est gentil pour les gens qui font ce job là puis qui étaient en train de leur dire que leur job est facile. T'sais. Vraiment pas, je suis vraiment pas en train de dire ça, je suis sûr que c'est sûrement plus compliqué encore de naviguer avec les nouvelles technologies, mais moi je pense que les nouvelles technologies font vraiment en sorte que la corne là vraiment c'est que c'est pas utile et essentiel. Persuadé qu'ils en ont rien à faire là, donc tout ce que ça fait c'est réveiller les gens qui habitent au centre-ville. Juste une bande de papier collant fluorescent sur le côté comme les joggeurs. C'est assez. Du néon. Prenez tout le néon qu'on met sur les pancartes ouvertes chez Belle Province, genre, puis mettez-en tout le temps. Bon. C'est mon conseil. Merci. Je suis sûr que ça marcherait. Bon. Donc, c'est les cornes de brume et moi, j'aimerais ça dormir la nuit prochaine. Donc, espérons qu'il n'y aura pas de brume. Hein? Ah, ça arrive pas souvent, là. Ah, il y a toujours une raison de pas dormir, que ce soit les trains ou... C'est presque folklorique, je trouve, le chant de la corne de brume. Ouais. Prenez pas un appartement sur Saint-Olivier, c'est bon, Vierouest. Bon, donc, vous êtes dans Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On va se continuer ça en musique. Kiwan, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, dis-moi? On va l'écouter, ça va un peu être cohérent avec la dernière pièce qu'on a entendue, Montréal à moi, de Orange. On va l'écouter la pièce Montréal moins 40 de Malajube. Mais est-ce que ce serait un bloc thématique qu'on a fait par inadvertance, toi? Par inadvertance, oui, hein? Oh, ouais. Toi et les thématiques, je suis sûr que c'est que du hasard. J'ai pas du tout fait exprès. Hey, parlant de hasard, j'ai une petite pièce à vous faire entendre tantôt qui parle de hasard. C'est la nouveauté de Bonjour Brumaire. Ben, je dis nouveauté, mais en fait, là, c'est pas si nouveau. C'est juste que c'est pas encore diffusé nulle part. Okay. Mais ça fait un petit bout que c'est sur le net déjà. Mais c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, on écoute Malajube et la pièce Montréal moins 40 à Assemblage Requis. Je vais quand même répéter mon... suis surpris de ton hasard. Ah, c'était OK. Ça, ouais. C'était ton interprétation de la surprise. Oui, c'était la suite de tantôt où j'étais en train de faire de... On a avoir du hasard. OK. C'est bon. Merci. C'est pas convaincant? Non, non, mais c'est juste que c'est bien que tu mentionnes que ça incarne le hasard parce que... OK, c'est quoi? Toute ta surprise, c'est comme... C'est ça une surprise pour toi? Ça, c'est surprise. C'est pas hasard. T'as pareil, là. Ben, hasard, c'est quoi? C'est une surprise, hein? Non? Parce que d'habitude, quand c'est pas du hasard, ben, c'est que tu l'as prévu d'avance, donc c'est pas une surprise. Mal à jeu, ben, assemblage brut. Ah, mais non, ah, mais non. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Thank you. Surferino et la pièce Honolulu Nocturne. Honolulu Nocturne. Très, très bonne pièce de cette très bonne formation, Surferino, une de mes préférées. Sérieusement, le CD au complet est tellement bon. C'est pas leur pièce la plus entraînante, là. C'est comme une des plus relaxes, mais j'aime bien quand même. Et avant ça, il y avait Montréal moins 40 de Malajube. Oui, et vous savez, il y a une émission qui est diffusée ici sur les ondes de C'est fou. Les samedis à 13h. Qui s'appelle Les Jams débiles de ma tante Frac. Oh yeah. Et ça, en fait, c'est la diffusion, en fait, c'est l'expression d'une soirée, d'un événement. Enregistré en direct au Café K.O. de Montréal. Exactement. Ça a lieu tous les mardis soirs live, là, l'événement. Et ma tante Frac recherche des bands pour la semaine prochaine, là, pour tout de suite. Ils ont besoin de groupes pour faire l'émission, pour faire le show qui va être ensuite diffusé à la radio. Donc, si vous avez un groupe de musique, ça vous tente de passer, ça vous tente de jouer, bref, simplement jouer. Devant public et en plus à la radio. Et non seulement à C'est fou, mais aussi à Radio Rock Drummond. Donc, c'est gros visibilité, ça. Ben là, Radio Rock Drummond, tu sais. Rock on, hein? Hey, savais-tu que les Lutins de l'Enfer ont une émission sur cette station-là? Non, sérieusement, je n'étais pas au courant. Les Lutins de l'Enfer, oui, qui ont une émission aussi les vendredis soirs. Ben, en fait, qui s'appelle. L'émission s'appelle comme ça. C'est aussi diffusé sur Radio Rock Drummond. Cool! Ben, l'émission de ma tante Frac aussi. Là, et donc, c'est ça, c'est seulement un show. Vous avez pas d'entrevue à faire, rien. Si ça vous intéresse, vous allez au www.frac.qc.ca. Et puis, vous aurez peut-être la chance de passer à l'émission mardi prochain au Café K.O. Et en plus, tout ça, c'est filmé en HD. Donc, oui. Ça vous fait un beau souvenir pour les parties de Noël. C'est terrible. C'est sur YouTube, tout ça. Là, c'est vraiment incroyable. En passant, j'étais sur le site de Radio Rock Drum.com. Et puis, je vois que Matt Alfred est quand même très, très visible là-bas. Entre autres, les mardis et les samedis à midi. 18h aussi le mardi. Il y a plein de choses comme ça. Donc, Matt Alfred, Radio Rock Drum.com. C'est quoi l'émission des Lutins de l'Enfer là-bas, là, sais-tu? C'est les dimanches soirs, je pense. Je sais pas si ça s'appelle pareil. Le Sasquatch Metal Show. Ah, ben peut-être aussi qu'ils sont plus... Ils sont peut-être plus sur Radio Rock Drummond, là, mais je sais que pendant longtemps, en tout cas, ils ont fait les deux stations. Là. Depuis l'ouverture, en fait, parce que Radio Rock Drummond n'est pas une vieille station, là, ça fait un petit peu plus qu'un an que c'est ouvert. Là. Ben, au début de la station, les lutins avaient étaient diffusés aux deux places. Les reines, les lutins, reines de Noël, etc. Ah. Noël, t'as des reines, t'as des lutins. T'écoutes pas ça, hein, toi, les lutins de l'enfer? C'est pas une émission de Noël, là. Ah! Non, je sais que c'est une émission de musique de Noël, comme ça, toutes les semaines de l'année. Moi, j'étais content d'avoir ça. Non, vraiment pas. C'est en blague, je sais. C'est quoi, je suis après eux autres, juste avant eux autres. Au palmarès, c'est fou. Bon, ben ça. Exactement. Ouais. Donc, écoutez, les lutins de l'enfer, c'est les vendredis à 20h ici, à C'est fou. Et nous, on va aller écouter un groupe c'est quoi le lien au juste, en fait, avec ma tante Frac, exactement? Est-ce que tu le sais? Le lien avec les Tabarnakos Surfers. Ben, parce qu'ils ont participé à l'émission de ma tante Frac, eux. Okay. C'est vrai, ils ont fait une émission avec ma tante Frac dans les Jams débiles. Et puis, je trouvais que ça fonctionnait bien avec ce qu'on a entendu avant, Surferino. Parce que c'est de la musique surf, mais avec des paroles, ce coup-ci. Oui, c'est assez garage, hein. C'est assez sale, un peu, même, je dirais. Donc, surf on va écouter Tabarnakos Surfers avec la pièce Marée Noire à Assemblage Requis. Les Tabarnaco Surfers d'Assemblage Rocky avec la pièce, c'était Marée Noire, c'est ça? Exactement, et puis si ça vous intéresse de faire partie, comme Los Tabarnaco Surfers de l'émission... Les jams débiles de ma tante Frac. Exactement, donc allez faire un tour sur www.frac.qc.ca. Moi j'appelle ça .kick.ca. Parfait. Frac.kick.ca. Frac.kick.ca. Frac.kick. C'est comme des onomatopées. Et tu sais que dans onomatopée, il y a Matt, comme dans Mathieu. Mm-hmm. Hein? Et topé aussi. Et il y a Ono. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Ah, oh, tu m'as fait rire, toi, là. Tu m'as vraiment fait rire. Dans la deuxième heure, Mathieu, il va y avoir quelque chose qui va vraiment te faire rire pour de vrai. Hein? C'est une capsule de Vidon Radon la question. Et aussi, on va recevoir Maxime Lemieux, la ramène. Oui, et les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Hein? Parce qu'il y en a un qui va parler de cirque de fruits de mer, puis l'autre va parler de musique. Mais toutes des choses bonnes, par exemple. Oui, ben oui. Bon. Menoum, menoum, restez là, c'est la deuxième heure d'assemblage. Fou 89 ans. Le bon Michel dans tout temps! Hey, salut! Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées, comme ça, freestyle et moi ça, toi, hein? Hein? Donc, Kiwan et Mathieu ensemble jusqu'à 17h pour vous servir au... Au 89.1 FM, c'est fou. Hein? Hey, Kiwan, tu dois faire un errata au singulier, je crois. Oui, oui, un errata. Ouais, c'est ça. Errata, c'est le singulier d'erratum. C'est ce que tu es en train de dire. Je dirais que je connais pas tellement le latin, mais il me semble qu'errata, c'est au singulier. Ouais, non, c'est parce que tantôt, je vous parlais des Lutins de l'Enfer qui avait une émission sur la même station que les Jam Débiles à Drummond. Mais c'est pas la même chose. C'est radio. Il y a Radio Drummond, il y a Radio Rock Drummond. Les Lutins, c'était sur Radio Drummond. Et les Jam Débiles, c'est sur Radio Rock Drummond, qui est seulement une web radio, c'est ça, hein? Oui, ben, oui, parce que j'ai pas vu de fréquence encore. C'est alors que Radio Drummond, c'est JRD ou Sujurd. C'est vraiment la radio communautaire de Drummondville. Ouais. Ils sont au 88.9 FM dans le coin de Drummondville. Alors que Radio Rock Drummond, il faut aller sur RadioRockDrummond.com. Et ça, c'est la station de ma tante Frac. En passant, les lutins, je crois qu'ils ne sont plus sur Radio Drummond en tant que tel. Ils ne sont qu'assez fous. Exclusive! On va leur demander demain. Sinon, on publiera un autre errata. Parce que là, de la désinformation, même là... Woman! Woman! On l'entend pas pareil, je pense. Je pense pas qu'on l'entend. Bon. En tout cas. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la deuxième heure, Mathieu? Dans la deuxième heure... Qui commence à l'instant, là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Oui. Si vous venez de vous joindre à nous, vous avez raté une très bonne première heure. Hein? Vraiment, hein? Donc, dans la deuxième heure, il va y avoir Maxime Lemieux-Laramé qui va venir nous parler de découvertes musicales dans son bloc hétéroclite « Télécharge quoi ?» entre guillemets, point d'interrogation. Oui, il va nous parler, entre autres, de Japan Droids, aussi de Tapes and Tapes et de Spoon, qui n'est plus une surprise maintenant pour toi, Mathieu. C'est vrai. Attends, mais t'es en train de me dire... Attends, répète-moi les groupes. Japan Droids. Donc, des androïdes japonais, robots, etc., technologie. Okay, exactement. Ensuite, Tapes and Tapes. Donc, ruban collant et ruban collant. OK. Ensuite... Et Spoon. Cuillère. Oui. Mon point est fait. OK, c'est simplement ça. Ouais, je trouve que c'est des mots très, très bidons pour des noms de groupe. Ah, OK. Mais j'aime ça. C'était ça le point, là. Ouais, ouais, ben, ouais, ben, moi, plus c'est bidon, mieux c'est. Bon. N'importe quoi. Allez, on va aller en musique tout de suite avec un artiste qui était sur le palmarès franco, donc que vous avez entendu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce qu'il a un nom bidon? Non, il a un nom très, très pertinent. Il s'appelle Fred Fortin. On va écouter la pièce de Dolorama et Fred Fortin va être en spectacle en fin de semaine dans le coin ici, de la Mauricie. C'est à la brasserie à l'affût à Saint-Tite. C'est ce samedi. Et aussi, il va être de passage à l'émission. Ici même, l'émission que vous écoutez, Assemblage Rocky, c'est mercredi prochain. Petite entrevue pour nous parler de son spectacle qu'il va donner à Trois-Rivières le 28 novembre prochain. Donc ça, le 28, c'est le samedi d'après. Donc, mercredi prochain, il va être ici avec nous, en fait, par téléphone, plus précisément. Et là, on l'écoute tout de suite avec la pièce Dolorama. C'est Fred Fortin à Assemblage Rocky. Téléphone qu'on peut acheter chez Dolorama. Et Dolorama qui est très bidon souvent dans ses produits. Pas très recommandé, par contre, acheter un téléphone chez Dolorama, là. Ça sonne le bidon! Dolorama, Assemblage Rocky, Fred Fortin. We'll be right back. devais un rapport qui que je vienne voir. D'un rayon du Dolorama à place d'Écossais, ses étagères. Jamais su son vrai nom, je me disais que toi tu devrais le savoir. Avec des boutons, des gros tétons, pis les dormoirs. On l'appelait petite charrue, c'était le nom que lui avait donné ses frères. Il était dans même école, je sais pas combien qu'elle pouvait en avoir. C'était pas tout des bols à ce qu'il faut croire. Elle est minutieuse et à son affaire. Elle prend soin de la vaisselle de verre, fabriquée par ses amis les Chinois, dans la grande famille de Dolorama. Avec tout ce qu'il faut pour rien avoir, rien avoir d'autre qu'une mauvaise de marche. Ça sentait la grosse misère. Elle était dans son petit coin, c'était encore trop grand, faut croire. Avec des boutons, des gros dedans, pis les dents noires. A décidé de flasher l'école, a commencé à peine le secondaire. Paraît qu'elle était enceinte, les os, c'était digne des histoires. Tout cas, paraît mieux. C'est bête à dire, mais je suis content pour elle. Elle aurait pu finir dans une poubelle, tripotée par des salons et des rats, comme plusieurs de ses amis les Chinois. J'imagine que c'est très valorisant, veillé à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les Chinois. Merci, bonsoir, miao, sayonara. J'espérais ici déjà. Ça doit être la petite charrue qui m'en troublait. Je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin, ben vite, j'ai ramassé une paire de bas. Avait plus de boutons, des gros tétons, pis un partiel. J'ai continué de marcher dans la. Je me suis souvenu, nous autres, on l'aimait bien. Ça y est qu'une pièce pour y poigner les seins. Ça vaut pas cher, mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis, tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois, signé de la main de Dolorama. J'imagine que c'est très valorisant. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. J'ai bâti tant que l'air. On se marie-tu? Ben, t'as écouté les paroles, hein? Ça parle d'un gars qui veut se marier avec un robot. Ben oui, mais c'est ça que je dis. Donc, aussi. Ouais, c'est, je parlais au robot qu'on a dans le studio de façon permanente. Allô? Ça s'applique à toi, effectivement. Ben oui. Donc, c'était Plywood 3 quarts, le groupe de Danny Placard qu'on vient d'entendre avec la pièce « On va se marier ». Et avant, c'était Fred Fortin avec Dollarama qui est sur le palmarès francophone depuis très peu de temps. Exactement, et qui va être ici, qui va être aussi à l'affût à Saint-Tite en fin de semaine. Vrai. Hey, c'est maintenant le temps d'accueillir Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique « Télécharge quoi ». Salut Mathieu, salut Kiwan. Tu sais que salut. Si j'étais un... Allô, premièrement. Allô. Si j'étais un professeur, là, j'aurais dit « Montre-moi ton papier que je le lise à toute la classe! » C'est parce que les professeurs, ils aiment pas ça quand on se passe des petits papiers de même. Ouais. Hey, je me demandais ça, là. Toi, Kiwan, est-ce que tu t'es fait réveiller cette nuit? Par la sirène? Ouais. La corne de brume? Ben, moi, je me réveille obligatoirement dans la nuit pour aller travailler, mais je l'ai entendu. Ouais, je me suis réveillé, mon cadran a sonné, puis là, j'entendais ça sonner. Mathieu, t'es plus proche encore. Hein? Ben, à partir de 4 h du matin, je dirais que j'ai pas vraiment dormi du tout, en fait. Mais ça a commencé plus tôt que ça. Ouais, mais ça m'a réveillé jusqu'à 4 h. Je sais pas. Okay. Ça devait être entre deux cycles de sommeil. Ouais, c'est ça. Hey, en tout cas, moi, j'ai eu peur. Je pensais qu'il y avait un feu dans la ville de Trois-Rivières. Je sais pas si on a une alarme pour ça. Hein. Si jamais il y a un feu qui prend au centre-ville, est-ce qu'il va y avoir une alarme? Parce qu'au début, je me disais qu'il y a un bateau qui passe. Là, mané, c'était ça, ça. Il est interminable. Déjà, ouais, j'ai pas c'est comme, il est vraiment lent le bateau. Mais... Quelqu'un s'est enfergé sur le bouton. En tout cas, c'était pas drôle, mais j'espère que ça se produit pas très régulièrement. Là. C'est vraiment. C'était ma première fois à l'entendre. Ouais, c'est très très bruyant. Même, je veux dire, on n'est pas proche, on n'est pas à côté. Là, ça, ça... Pas moi, ça fait 3 ans que j'habite là, dans le centre-ville. C'est la deuxième fois que j'entendais ça, donc ça arrive pas si souvent. Là. Bon, ben en tout cas, je vais me contenter des trains, moi, le reste du temps. Je dédie ma chronique au bateau qui passe proche de Trois-Rivières. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Tapes and Tapes. C'est un groupe que j'ai découvert vraiment récemment puis qui existe depuis quand même... en tout cas, leur premier album date de 2006. Puis j'étais super content parce que c'est vraiment mon style de musique, là, du bon gros rock and roll. Rock'n'roll. T'aimes ça, toi, le rock'n'roll, Mathieu? Je suis pas un gars de rock'n'roll, mais je peux apprécier certaines choses dans le rock'n'roll, en effet, oui. Ouais, fait que, ben, le premier album de Loon a vraiment reçu une belle critique là, des médias. Le deuxième, un peu moins, mais moi, j'ai trouvé une pièce, la pièce qui s'intitule... tu peux peut-être m'aider, Kiwan? Ah, c'est Hang Them All, je pense. Hang Them All, exactement. Hang Them All, qui est sur l'album Walk It Off. Puis j'arrête pas de l'écouter là. Depuis 2 semaines, là, c'est ma tune préférée. Ça, c'est un nouvel album, c'est ça? Non, c'est pas un nouvel, okay. Ça date quand même d'avril 2008. Ok, ok, donc l'autre album, c'est Loon, The Loon, The Loon 2006, album. Ouais. Ah, puis okay. C'est ça, j'étais sur Pitchfork, ils ont donné une excellente note. Puis pour le deuxième, ils avaient donné peut-être une moins bonne note, mais moi j'apprécie beaucoup les deux. Mais la pièce, c'est ça, Hang Them All, elle est excellente, fait que je vous fais écouter ça à l'instant. Hang Them All de Tapes and Tapes. On écoute ça tout de suite à Assemblage requis dans la chronique Télécharge quoi. C'est ça. Go! voir quelqu'un, je veux voir la personne qui est qualifiée pour. Ouais. Tapes and Tapes, la pièce Hang Them All sur l'album Walk It Off. Et puis, je voulais mentionner que c'est sur... ils ont signé avec l'étiquette XL Recordings, qui ont signé aussi Vampire Weekend, Ratatat. Moi, j'aime mieux Microsoft Word comme étiquette. Okay, ouais, c'est drôle, quand je lisais des critiques et des trucs sur le groupe... Tapes and Tapes, oui. Il y avait des gens qui comparaient ça un peu à Vampire Weekend, mais j'imagine que c'est juste parce qu'ils sont sur la même étiquette, parce que le son ne ressemble pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. Ouais. Mais j'essaie de me souvenir, je suis allé sur Last FM aussi, puis voir les artistes similaires, là, puis je me rappelle pas. Il y avait beaucoup Clap Your Hands, Say Yeah, c'est ça, ouais. Mais ça non plus, je trouve pas que ça ressemble tant. Non, moi, je sais pas, c'est du bon rock, là. C'est juste du rock, là. Point. C'est pas besoin d'autres descriptions. Non. C'est très bon. Les étiquettes tout le temps. Les étiquettes, hein. Ouais. La deuxième suggestion cette semaine, ça vient un peu de toi, hein, Kiwan? Oui, parce que la semaine passée, tu nous avais fait découvrir Little Girls, ouais. Qui était un peu du rock sale, un peu punké sale, ouais. Sur les bords. Et puis moi, ça me faisait penser à Japan Droids. Tu comparais aussi à Joy Division. Ouais. Que j'ai découvert justement cette semaine parce que je me sentais très inculte de pas connaître Joy Division et puis ouais c'est vraiment très bon. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui découlent de ce groupe-là. Mais aujourd'hui tu nous parles de Japan Droids. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, Japan Droids, ça fait quand même un peu de temps que je les connais. Ils ont sorti un album en avril 2009 qui s'appelle Post Nothing. C'est des Torontois, c'est un duo, hein. Moi, ça me fait penser... juste à cause que c'est un duo, puis c'est du rock garage, ça me fait penser à Band de Garage, là, okay. Parce qu'ils sont deux, puis ça varge. Mais non, c'est ça, c'est... Oh non, j'ai dit Toronto, mais c'est Vancouver, hein? Ouais, c'est ça que je voulais juste être sûr avant de te contredire, mais ouais. Ouais, c'est un duo de Vancouver. OK. Fait que... Ils sont trois. Non, c'est ça. Mais ils ont déjà été trois, mais là, ils sont deux. Ouais, fait que la pièce, on a choisi... Ben, en fait, Kiwan, hein, c'est toi qui l'as choisi, puis prononce la donc avec ton anglais parfait. Mais t'étais vraiment d'accord. Ouais, j'étais d'accord. Moi aussi, c'est ma préférée. Je pense que c'est la meilleure de l'album. Donc, tu veux que je la prononce avec mon anglais. On va écouter la pièce Young Hearts Spark Fire. Excellent. Japan Droids. Wow, c'est cool comme nom, ça. Ouais, ben vraiment. Et c'est très bon. On écoute ça tout de suite à Assemblage Rocky. fais de la glace ou du chaud peut-être. Ouais. Quand, la glace, ouais. Du chaud pour le mouvement, de la glace pour la douleur. Ah, c'est ça la fin. Japan Droids, la pièce Young Heart Spark Fire de l'album Post Nothing. Je trouve ça malade qu'on finisse nos conversations genre... on ouvre les crayons, on ouvre les micros, on finit nos conversations. Sans expliquer rien, non, comme sans ça. Sans rien expliquer. C'est des conseils. Vous dites même pas qu'on est en train de se masser en studio, puis c'est pour ça que vous parlez de ça. Justement, parlant de massage, troisième artiste, Spoon, cuillère. Hein, Mathieu? Hein, Mathieu, ben oui, pourquoi pas. Hein? T'aimes ça? Hein, ben oui, moi j'adore les cuillères, tu sais. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est exactement pour ça. Tu disais que tu nous avais amené ça. C'était un peu un hommage à ce qu'on fait en studio ici. Ben c'est ça, parce que la première fois, moi j'ai vraiment été surpris. La première fois que je suis venu à Assemblage Rocky, les gars ils t'avertissent pas, mais c'est parce qu'ils font de la radio en cuillère. Genre, ouais. Mathieu il est plus grand, fait qu'il se met en arrière. Puis je fais des tresses aussi en plus. Fait que c'est quand même étrange, mais on s'habitue. Puis maintenant, je m'en ennuie le mercredi. J'ai trop hâte de venir pour vous voir. Ouais, tu veux, même maintenant, t'as initié les massages au sain de l'émission de radio. Donc, c'est sain, ça. C'est tellement le fun. Ah, fait que je voulais parler de Spoon. Spoon, un artiste que j'ai connu avec l'album, tu vas rire, Mathieu. Il y en a combien? Cinq gars. Les gaga. Qui est sorti en 2007. Et puis là, je surfais sur Internet et j'ai vu sur leur MySpace qu'ils sortaient un album prochainement. La pièce que je vais vous faire jouer est sur un maxi, c'est ça qui est sorti en juin, mais qui va être aussi sur l'album Transference qui va sortir le 25 janvier prochain. Alors Spoon, groupe à découvrir, qui vient de Austin, Texas. Le cowboy, les chevaux. Faut le conservateur. C'est ça. Mais c'est ça, c'est du rock, là. Ben écoutez ça, puis je suggère aussi peut-être l'album Les 5 gars, là. Gaga. Pour apprendre à les connaître, là, parce que c'est ça, c'est vraiment cool, mais écoutez ça, dans le fond. OK, on écoute la pièce Got Nothing. The Spoon à Assemblage Rocky. Dans le bloc télécharge quoi de Maxime le Munaramé. Bon. Évidemment. Coupe les micros qu'on se masse. Bon, ouais, ouais, il tosse. Dreaming when that butt goes right. Des fois, quand t'es booké, tu sais, il faut que tu fasses de la place, là, puis que tu libères, puis que tu tasses. C'est ça. Faut que tu surveilles ton agenda. Alors, c'était Spoon avec la pièce Got Nothing. Nothing. Nothing. Nothing comme des muffins avec un N. Ouais. Ça doit être sur leur prochain album long, Transference, le 25 janvier, mais sur MySpace, cette pièce-là est disponible. Puis je vous suggère de les découvrir avec l'album Ga. Fait que c'est tout pour moi. Ben, merci. Merci. C'était super le fun. Vraiment? J'aime bien ça. Très bon choix, Maxime Lemulerami. Super. À la semaine prochaine. Donc, oublie pas de passer à la douche avant de sortir du spa. C'est bon. On se retrouve jeudi prochain. On voudrait aussi enlever la senteur de la crème froide que tu mets quand c'est des massages. Le deep cold. Oui. C'est ça, ça sent mauvais, ça, c'était cœur. Hein? Ça, puis du Vicks. Bye. Bye, salut, Maxime. Télécharge quoi la semaine prochaine, jeudi, toujours. Il reste encore une demi-heure à l'émission aujourd'hui, Mathieu, et il reste encore beaucoup de choses à faire. Entre autres, on vous avait promis une nouvelle pièce de Bonjour Brumaire, ça s'en vient dans quelques minutes, et aussi la capsule de Vidon Ladon, la question, et même que Mathieu, tu vas nous faire ta chronique CNX que tu n'as pas fait au début de l'émission pour toutes sortes de raisons personnelles qu'on ne peut pas énumérer maintenant. C'est le deep cold, des fois ça me déconcentre. C'est vraiment donc, beaucoup de choses dans la dernière demi-heure. Restez là, c'est dans quelques minutes. C'est Assemblage requis au 89 FM, c'est fou. C'est fou comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu. Sur C'est fou 89.1. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et, d'habitude, la chronique CNX, on fait ça au début de l'émission, mais aujourd'hui, exceptionnellement, comme je le disais tantôt, Mathieu n'a pas pu la faire, donc on se rattrape tout de suite, on l'a fait, on vous privera pas de votre chronique CNX aujourd'hui, votre capsule, votre chronique technologique CNX, on vous la présente tout de suite. Tash.com. Oh, que c'est drôle, Gogo Gadget! Aujourd'hui, dans la chronique technologique, c'est Eric qui vont. T'aimes ça les gadgets? J'aime ça les gadgets, tout le monde aime ça les gadgets. Oui, parlons de gadgets. Oui, commençons par votre chat. Votre chat qui est peut-être pas encore assez indépendant. Vous préfériez qu'il joue tout seul pendant les 4 minutes quotidiennes qu'il daigne actuellement vous consacrer. Hein? Donc, c'est ce que l'article de Branchez-vous Gadget dit. Achetez-lui le Frolic Cat Bolt, un pointeur au laser automatisé qui attire l'attention de Minou Minou en dessinant un point rouge quelque part sur le plancher, le mur ou même le plafond. Le Bolt est motorisé alors le point rouge se déplace de lui-même, ce qui attise l'instinct de chasseur du chat. Mais évidemment, comme ce pauvre petit chat ne pourra jamais rattraper sa proie et finira par s'épuiser ou encore par devenir complètement fou et par détruire la maison au complet à coups de griffes. Hein? L'appareil s'arrête automatiquement après un maximum de 15 minutes d'usage. C'est le Frolic Cat Bolt, un laser pour chat. Les livres électroniques sont à la mode, hein, dans les quelques 120 pays, surtout où l'on peut se procurer le Kindle d'Amazon. Mais voilà que Intel vient de lancer un livre électronique qui s'adresse en priorité aux personnes atteintes de déficience visuelle et aux dyslexiques, pour qui le plaisir de la lecture peut se transformer en exercice pénible ou même inaccessible. Doté d'une caméra intégrée, l'appareil peut photographier n'importe quel texte imprimé, l'interpréter et le lire à haute voix. La qualité de la reconnaissance optique des caractères dépend sans doute de l'éclairage et de la qualité du matériel original sur papier. Les textes manuscrits sont plus problématiques. Outre le fait que ce genre de système réduit le besoin de transcrire des livres imprimés en format numérique manuellement pour les besoins des personnes handicapées, il contourne aussi les mécanismes de gestion des droits numériques que les éditeurs de livres électroniques incluent parfois dans leurs fichiers pour éviter le piratage, ce qui causera sans doute des problèmes d'ordre légal, oui. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est disponible aux États-Unis pour le moment au prix de 1 500 $, mais des fois, quand on a un handicap, ça coûte cher. Vraiment très cher. Je sais pas si éventuellement, peut-être que ça pourrait être même défrayé par des assurances. Peut-être que ça pourrait être considéré comme un bien essentiel pour quelqu'un qui est atteint de ce handicap. Tout à fait, tout peut-être. À fait. C'est un très bon point. Un gadget qui occupe la périlleuse frontière entre le génial et le ridicule, dit encore une fois branchez-vous gadget, et qui pourrait fort bien basculer d'un côté comme de l'autre. Du côté génial, il s'agit d'un gadget qui permet d'alimenter deux appareils électriques à l'aide de la batterie de sa voiture et qui reste bien en place, oui, au lieu de traîner partout comme la voiture, comme les autres gadgets du genre, puisqu'il s'insère dans le porte-gobelet de la voiture. La puissance totale que l'on peut tirer de sa batterie est de 200 watts, donc suffisant pour un petit téléviseur ou un appareil radio en camping. Il y a aussi un port USB alimenté pour recharger son téléphone ou son iPod, donc utile en tout temps, crucial quand on doit conduire sur une route chaotique et qu'on veut éviter que des petits machins nous tombent entre les pédales. Mais du côté ridicule, ben c'est un verre à café. Donc c'est un verre à café avec deux prises sur le dessus que tu mets dans ton porte verre à café et que tu peux brancher des appareils dedans. Donc c'est un verre de café Starbucks et tout. Je sais pas c'est quoi qui est écrit dessus. Power Cup, je crois. Power Cup Inverter. Bref, prise de courant dans une tasse à café. Moi, je trouve que c'est un des seuls endroits dans la voiture où quand tu mets quelque chose dedans, ça tombe pas. C'est vrai. Dans la valise, tes sacs tombent. Sur le petit cadran de tableau de bord, tout tombe. Le porte-gobelet est parfait. Ben, c'est vrai, le porte-gobelet, il existe déjà. Il est là dans tous les autos. Il sert à faire tenir quelque chose en place dedans. Donc, pourquoi pas, tu sais, on dit porte-gobelet, mais tu sais, c'est un trou rond. Tu mets n'importe quoi qui fit dedans. Là. C'est comme l'allume-cigarette ne sert pas nécessairement aux cigarettes, hein. Voilà. Donc, c'est pas parce que ça porte un nom que ça ne peut servir qu'à ça. Tout à fait. C'est pas mal la leçon à en tirer. Bon. Ah! Ça valait même pas la peine de chercher ce mot-là. Les haut-parleurs Klipsch sont généralement d'excellente qualité. Vous connaissez peut-être la marque Klipsch. Et certains modèles produisent un son absolument extraordinaire. Voici un ensemble pour l'ordinateur qui cause de sérieuses démangeaisons au niveau de la carte de crédit. Dit encore une fois, branchez-vous gadget, hein, c'est pas mal là aujourd'hui. Le Pro Media 2.1 sans fil, ou du moins à moitié sans fil. L'ensemble contient un caisson d'extrême grave doté d'un amplificateur de 200 watts et de deux haut-parleurs satellites. Le caisson doit être branché dans une prise de courant et les satellites dans le caisson. La partie sans fil de l'équation, l'amplificateur communique avec l'ordinateur grâce à un émetteur-récepteur USB sans fil de 2,4 GHz. Il suffit donc de brancher la clé émettrice dans l'ordi et on va pouvoir placer les haut-parleurs n'importe où, jusqu'à une distance de 10 mètres de l'ordinateur. Je trouve pas ça encore très très loin, 10 mètres, il me semble, pour une relativement grande pièce. En tout cas. 10 mètres, Mathieu? Oui, ben c'est loin 10 mètres, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, ton ordinateur est peut-être dans ton living room? Hein? Et ton cinéma maison peut-être au deuxième étage, peut-être, je sais pas moi. Ouais, mais 10 mètres quand même, dans une maison, là, 10 ouais. mètres. Ouais, t'as peut-être raison, ouais, t'as raison. C'est comme 5 fois moi, je sais pas. À peu près, ben non, plus, non, plus que plus ça. Tu mesures pas 2 mètres, tout à fait. Tu mesures combien? Je sais pas, moi, là. En tout cas, on s'en fout. Donc, dans une autre pièce, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais évidemment, si vos murs sont plus épais, des fois, peut-être que le 10 mètres est pas, tu sais, ça dépend des murs. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est ce que je voulais dire. Donc, ça coûte environ 200 $. C'est des haut-parleurs presque sans fil. Et je pense que si ta maison mesure plus que 10 mètres de long, t'as les moyens de t'en payer deux. À 200 piastres, là. Ouais. Peut-être que j'analyse mal mes longueurs. Hein. Je pense que oui. C'est de même, des fois, c'est vrai. OK, continuons avec des fils USB pour enfants, Kiwan. Hein? À part l'emballage qui crie Disney, hein? La seule chose qui fait que ces fils sont des fils pour enfants, c'est que c'est des câbles USB avec la tête de la souris Mickey Mouse ou encore de la bibitte dans Stitch. Dans Lilo et Stitch, il y a des personnages de Cars, de Mickey Mouse, les princesses, histoire de jouets, etc. au bout du câble et ça coûte seulement 7 $. Donc, si vous avez besoin de câbles USB pas chers et qui sont sérieusement bons parce que bon, veux dire, Disney choisirait pas des mauvais fils. Et c'est pas la compagnie Monster, donc vous faites pas fourrer par plusieurs orifices, là. C'est éditorial, donc, ici, ça? C'est Monster? Ça? Achetez pas des Monsters. Sérieusement, c'est de se faire vraiment avoir, là. Ils chargent comme 7 fois le prix, genre. Ah, okay. C'est prouvé. Bon, bref, ça vient du magasin en ligne Brando. Et c'est des fils USB pour enfants. On continue avec un Etch-a-Sketch de façon un petit peu particulière ici. Pourquoi essayer de moderniser le Etch-a-Sketch, hein? C'est la compagnie Ohio Art. Voilà. C'est un concept simple, mais une réinvention d'un gadget qui existe depuis plus de 40 ans. C'est une boule sur le bas du Etch-a-Sketch. Donc, tu peux faire des courbes. Pourquoi changer ça? Je veux dire, tant qu'à faire des courbes sur un Etch-a-Sketch, dessine sur un bout de papier, là. Hein? Un Etch-a-Sketch, c'est quoi l'idée d'un Etch-a-Sketch? C'est que c'est un défi. Oui, c'est avec les deux boutons, les deux petits boutons que tu fais des ronds et puis que t'es content parce que t'es pas supposé pouvoir les faire, c'est à moins que t'aies beaucoup de talent, tu sais. Donc, un Etch-a-Sketch, c'est ça l'idée. Tu peux faire un freestyle avec une boule, j'aime pas ça. Ça coûte 15$, donc vous pouvez l'acheter. 15$. Un Etch-a-Sketch freestyle, j'aime vraiment pas ça. Non. Vous pouvez utiliser ce ruban collant qui est le prochain sur nerdapprove.com. C'est du ruban collant pour, dans le fond, coller hein, une boîte de carton, par exemple. Excepté que le ruban collant ressemble à un zip. Et non seulement un zip, mais un zip, tu sais, quand il y a un trou dans le zip, tu sais, que le zip se défait, tu sais, que ton zip devient comme plus, tu peux plus l'ouvrir ou le fermer, c'est gossant, là. Mm-hmm. Bon. Mais ce ruban-là ressemble à ça. Donc, ça donne un beau petit look très, très réaliste sur vos boîtes quand vous tapez quelque chose, par exemple, pour déménager avec un zipper. Je trouve que c'est geek, c'est juste pour ça que j'en parle. Même chose pour le prochain. Vous venez d'acheter un iPhone et vous voulez peut-être pas vous le faire voler ou vous voulez avoir l'air d'avoir un téléphone rétro. C'est des télécollants qui... Des télécollants? Wow! N'importe quoi. Des autocollants qui ressemblent à un vieux Nokia ou un vieux Samsung. Hein? Ça coûte pas cher. C'est 2,50$ canadiens sur le site... Attention, sur le site de uptoyoutoronto.com. Passez par l'assemblagerequis.com. Et on va terminer. Mais est-ce que t'as vu le résultat, l'autocollant, là, ça doit pas être très très réaliste, là, ça doit avoir l'air vraiment bidon, non? Ben, ce qui fait que ça a pas l'air réaliste, c'est surtout parce que l'iPhone est vraiment très très gros comparé à un Nokia dans le temps. Il me semble que c'était quand même un petit peu plus petit que ça, ceux de la génération en tout cas d'où le collant vient. Le désavantage principal, autre la grandeur, c'est qu'ils ont essayé de le faire le collant pour que ça ait la grandeur du téléphone. Donc, il est comme plus le collant fait le dos du iPhone au complet, mais le téléphone est dans le milieu avec un fond blanc ou quelque chose du genre. Donc, peut-être que le fond est transparent, puis ça dépend de la couleur de ton iPhone, mais les photos montrent du blanc autour du téléphone. Donc, ça, c'est donc bref, n'importe quoi pour cacher la pomme là, sur ton téléphone, puis t'auras plus l'air d'avoir un iPhone. C'est vrai, ça pèse. Comme ça, t'as le bon produit. Sans mettre le logo du produit dans la face des gens et avoir l'air de fendant parce que t'as du produit Apple. Bon. OK, je dois terminer par le dernier là, parce que je veux en parler de celui-là là, rapidement. C'est Yves Béard, hein, un designer industriel qui a dessiné un nouveau vibrateur. Hein? Je voulais en parler parce que c'est sexuel, des fois on aime ça. On dirait un genre de personnage de dessin animé, là, vous allez voir, sur la photo d'assemblagerequis.com. Je te montrerai tantôt. Okay, hein? Donc, c'est le Form 2 qui prend une approche particulière à deux antennes. Pour le vibrateur, donc ça donne à ses utilisateurs ce qu'on appelle de la sensation en stéréo. Les oreilles de la petite tête, si on veut, peuvent être positionnées indépendamment, un peu comme un Gumby ou une figurine en caoutchouc pour aller, en tout cas, pour faire, c'est vraiment bon. C'est fait de silicone platine sans phtalate. Et là, je traduis les termes complètement au hasard. Le phtalate-free platinum silicone, complètement à l'épreuve de l'eau et sûrement de d'autres liquides, hein? Et en plus, non seulement c'est super joli et super utile, mais il y a en plus une station de recharge un peu comme un iPod, donc tu mets dedans et ça à la vue de tout le monde comme ça, hein, Kiwan? Ben oui, tu mets hein? Branches ça sur le comptoir de la cuisine pour le recharger comme ton, ton iPod. cafetière, iPod et vibrateur. Vibromasseur, on pourrait dire. C'est station de recharge et ça peut opérer jusqu'à 7 heures de suite sur une seule charge, donc free-for-all total avec le design de Yves Béard, le Form 2. Voilà. Wow, parfait. Ça, c'est quelque chose, je dirais. Et c'est deux quelque chose, en plus. Bien. Donc, c'est sur cette note que se termine ta chronique CNX aujourd'hui, cette oui, semaine. Oui, cette note vibrante. Parfait. Il y aura une autre chronique technologique CNX la semaine prochaine. C'est certains jours par semaine, du lundi au jeudi, entre 15h et 17h, dans l'assemblage avec nous. On s'entend là-dessus. Hein? Mais si vous voulez être sûr de ne pas les manquer, vous êtes mieux de synthoniser. C'est fou, les lundis matins à 10h, toutes les chroniques que vous entendez par-ci, par-là, dans la semaine, dans l'assemblage requis, sont compressées et diffusées dans CNX.zip. Les lundis matins à 10h, et c'est animé par toi, Mathieu Plante. Allô? Donc, maintenant, le temps presse, c'est en film, Mathieu, il reste pas beaucoup de temps. Alors, on va aller écouter une pièce de Bonjour Brumaire, ça s'appelle Le comble du hasard. C'est une nouvelle pièce qui va probablement paraître, on peut facilement en présumer sur leur prochain album, qui a toujours pas de date, toujours pas de nom. C'est vraiment très flou, il y a pas beaucoup d'informations, mais il y a cette pièce-là qui existe, ça s'appelle Le comble du hasard. On l'écoute tout de suite et tout de suite après, on va écouter la capsule de Vidon. Là, dont la question, vous êtes à Assemblage requis. Bonjour Brumaire, avec la pièce Le comble du hasard, donc c'est une primeur exclusive, comme dirait Mathieu. C'est unique en son genre. Exactement. Et c'est ce qui termine l'émission pour cette semaine. Oui, on se quitte comme ça. On remercie évidemment, comme on le fait à chaque jeudi, Vanessa Pariétaire, toute l'équipe de C'est fou, tous les chroniqueurs qui sont venus à l'émission, tout le monde qui écoute, les Pébèches qui suivent à 17h, on les remercie aussi. On remercie la Spirale qui est après, Sky Punk plus tard, la pilule du lendemain lundi, bon, tant qu'il y a des affaires. Bon, on remercie tout le monde. Et en terminant aussi, si on peut juste répéter ce qui se passe en fin de semaine côté culturel. Demain soir, c'est la première de la série de spectacles Feu de forêt dans le désert. C'est à Galerie L'Appart avec la maladie. Adresse Deepos Trude et You Yourself and I. Et ça, c'est donc demain soir à l'appart, aussi samedi à l'affût, Fred Fortin. Une autre suggestion que je ne vous avais pas encore faite, mais en fait, c'est ce que moi je fais dans ma fin de semaine. Demain, c'est au Studio Théâtre ici à Trois-Rivières, la pièce La mort d'un révolutionnaire qui est présentée demain, samedi, et la semaine prochaine aussi, vendredi et samedi. Donc, vous pouvez... en fait, je vais vous en reparler. Je vais voir ça demain, puis je vous en reparle la semaine prochaine, La mort d'un révolutionnaire au Studio Théâtre. Si jamais vous voulez y aller vous aussi, je vous garoche le numéro de téléphone pour réserver. C'est le 819-840-9320. Et c'est pas mal tout ce qui se passe en fin de semaine. Hein? Oui, pense que oui, c'est tout. Sauf si vous avez raté un bon moment de l'émission d'aujourd'hui ou de la pilule ou du dîner de con. Écoutez, les meilleurs moments, c'est fou. C'est demain, vendredi à 6h30 et samedi à 14h. Il y a aussi Matt Andfrac qui est juste avant à 13h samedi. Donc écoutez ça aussi. Sinon, ben c'est à peu près ça. Il y a les paparazzi, c'est fou demain soir à 17h. Maintenant, c'est en rediffusion, donc je serai pas en direct. Mais quand même, écoutez-les. Et puis on se retrouve lundi à 10h pour CLX.zip et à 15h pour Assemblage Rocky. Exactement, donc bonne fin de semaine Mathieu, à lundi, et on se laisse en terminant, vu qu'on n'a pas passé finalement à la capsule complète de Vidon Ladon la question, on vous laisse pas quand même sans votre dose de Vidon Ladon. On va écouter la pièce Xavier Dolan, des gars de Vidon Ladon la question. Donc on les remercie eux aussi, bye bye. On se laisse avec ça et les pains beiges s'en viennent. Bonne fin de semaine. Vidon Ladon la question. Xavier Dolan, c'est la nouvelle coqueluche du cinéma québécois. Tout le monde court après Montréal. C'est un vrai amour en nuage, Xavier Dolan, la la la la, comme tous les petits enfants. Xavier Dolan, il ressemble à un adolescent. Tonton, les sacs, tonton, la Xavier, tonton, Xavier Dolan. On suit toujours Donna Donna avec Xavier Dolan. Donna Donna, Xavier Dolan, Donna, Xavier Donna, Donna. Voici le jeune réalisateur dont tout le monde parle actuellement, Xavier Dolan. Xavier Dolan, c'est pas son nom, j'ai le mot d'un le moulin. Mais les mots d'un pas là, non, Xavier Dolan. C'est tout ce qu'il y a en droit, mais c'est Xavier Dolan. Mais tu portes pas de petit collin, que l'amour là, ce sont de là. Et ta tête plein de populaire, je pense beaucoup de figulaires. Mais il est tellement brillant, Xavier Dolan, tellement talent. Tout le monde aime Xavier Dolan. Xavier Dolan utilisait un dolly pour faire des travelling avec Xavier Dolan sur son dolly. Oh oui, un dolly, c'est comme un roulis-roulant. Xavier Dolan, dolly, dolan, Xavier Dolly, roulis-roulant. Roulant, roulis, Xavier Dolly, dolan, roulant, roulis-roulant. Xavier Dolly, roulant, roulis, Xavier Dolan, dolly. Oui, oui, Xavier Dolan, quel bon nom, c'est Xavier Dolan. Oui, mais c'est Dolan, parce que Dolan, Dolan et Dolan. Bon, Dolan, c'est plutôt Dolan. Oui, d'ailleurs, on l'a dit. Ou Dolan, mais Dolan, non, il y a une connotation... Merci beaucoup, Xavier Dolan. Merci. Dolan. Dans la question.